Chapitre 13e. Attentive et grave, Julia Vidal était assise sur un canapé dans un coin du salon et elle observait à son aise Albert Savary qui se tenait debout près de la table de jeu. Il lui était apparu une fois déjà dans le cabinet du juge d'instruction. À travers les interstices du paravent qui la cachait à tous les yeux, elle avait pu se familiariser avec ses traits, étudier sa physionomie. Ce n'était plus le même homme. Obligé de défendre sa liberté, sa vie peut-être, il s'était autrefois sans doute composé une figure de circonstance. Il avait mis un masque sur son visage et imposé à ses traits une immobilité nécessaire. Son salut pouvait dépendre d'un geste, d'un regard, d'une rougeur subite. Chez Pélagie, il n'était plus obligé de feindre. Il croyait que personne ne l'observait. Tous les joueurs suivaient d'un œil attentif les cartes qui s'étalaient sur la table et ne songeaient pas à lui. Aussi ses traits avaient-ils repris leur expression habituelle et Julia, intéressée à les étudier, faisait-elle d'importantes remarques. Ce qui la frappait par-dessus tout, c'était la profonde tristesse empreinte sur le visage de Savary. Cet homme devait éprouver une grande douleur, être en proie à un profond découragement ou bien être torturé par un remords terrible. Autour de ses yeux, qui n'étaient que cernés autrefois, une sorte de cavité s'était formée, ce qui donnait à son regard une grande profondeur et par moments des lueurs étranges. En même temps, ses joues s'étaient amaigries, son visage avait pâli, ses lèvres seules, que sous l'empire d'une préoccupation violente, ou peut-être par suite d'une contraction nerveuse, il mordait jusqu'au sang, avaient conservé leur vigoureuse coloration. Quoiqu'il peut paraître s'intéresser à la partie de baccarat engagée sous ses yeux, Savary n'y prenait pas encore une part active. Il tenait dans une de ses mains une poignée de louis, et toutes les fois qu'il avait été sur le point de les hasarder sur le tapis, il s'était aussitôt arrêté. « À quoi bon ?» semblait dire son regard découragé. « Que m'importe de gagner ou de perdre ? Quel avantage retirerais-je d'avoir quelques louis de plus ?» Tout à coup, il se sentit touché à l'épaule. C'était Vibert qui, après l'avoir observé aussi attentivement que Julia, s'était peu à peu glissé vers lui. « Pardon, monsieur, » dit l'agent de police avec l'accent italien que nous l'avons déjà vu prendre. « Toutes les personnes réunies dans ce salon sont occupées à jouer. Vous seul vous tenez à l'égard. Seriez-vous assez bon pour me rendre un service ?»« Quel service, monsieur ?» répondit assez froidement Savary après avoir toisé son interlocuteur. « Je suis étranger, italien, comme il vous est facile de vous en apercevoir à ma prononciation, et fort peu au courant de la partie qui se joue sous mes yeux. Je voudrais cependant y prendre part. D'abord, pour me distraire, ensuite, parce qu'entre nous soit dit, j'ai un certain penchant pour les cartes. Auriez-vous l'amabilité de m'en consacrer un instant et de m'initier à ce fameux baccarat dont j'ai beaucoup entendu parler là-bas en Italie, mais que je ne connais pas encore ? Je n'y vois pas d'obstacle, monsieur, si cela vous est agréable, répondit Savary sans se départir de sa raideur. Je vous rends grâce. Je pourrais donc m'asseoir auprès de ces dames et risquer quelques billets de banque sans être trop ridicule. Oh, quant à cela, monsieur ! « Permettez-moi de vous dire qu'avec ces dames, on n'est jamais ridicule lorsqu'on risque des billets de banque. »« Vraiment ? Elles les aiment peut-être ?» répliqua Vibert en riant le plus niaisement possible. « Elles les adorent !» fit Savary. Il alla prendre sur la cheminée un jeu de cartes que les joueurs venaient d'abandonner et rejoignant Vibert restait debout près de la table. « Si vous le désirez, nous allons commencer, » lui dit-il. « Ne ferions-nous pas mieux de nous asseoir pour cette démonstration ?» demanda l'agent de police. « À votre aise, voici les sièges. »« C'est que je ne suis pas seul. »« Ah, oui, j'ai une dame avec moi, une compatriote. »« Elle ne serait pas fâchée de profiter de cette petite leçon. »« Et si vous y consentez ?»« Où est cette dame ?»« Là, assise à l'écart. »« Elle ne connaît personne. »« Elle parle imparfaitement le français et elle est fort timide. » Pour la première fois, le regard de Savary venait de se croiser avec celui de Julia. La femme de Maurice Vidal soutint avec courage ce premier choc. Elle ne trahit pas son émotion. Du reste, Vibert, plus de prudence, s'était avancé vivement vers Julia et la présentait à Savary. « Nous sommes bien dépaysés chez vous, » dit-il à ce dernier, « et sans l'amabilité de Madame d'Hermont, qui a bien voulu nous convier à cette charmante fête, nous n'aurions su que faire de notre soirée. Ah, Paris est superbe, mais il paraît bien désert, lorsque, comme nous, on n'y connaît personne. » Puis s'arrêtant tout à coup, « Pardon, monsieur, de ma loquacité toute italienne, » continua Vibert, « vous avez probablement autre chose à faire ici qu'à m'écouter, et si vous voulez bien me donner votre petite leçon, je suis à vos ordres. Ma chère amie, ajouta-t-il en se tournant vers Julia, monsieur est assez bon pour nous apprendre le baccarat. Vous savez bien le baccarat, ce jeu dont il était question à Naples l'hiver dernier. Il paraît qu'on y perd des sommes folles. Tant mieux, nous en perdons. Savary se plaça sur le canapé auprès de Julia et en face de Vibert et commença la démonstration promise. À peine l'avait-il terminé qu'on entendit à la table de jeu l'Espagnol qui disait « Il a 10 louis en banque, personne ne les fait. »« J'ai bien envie d'essayer, » s'écria Vibert en se levant. « Je ne vous le conseille pas, » fit Savary. « Pourquoi ? Grâce à vous, monsieur, je connais maintenant le jeu. Vous n'êtes pas encore assez fort pour lutter contre la personne qui tient les cartes en ce moment. » « Bah, on ne sait pas, » répliqua Vibert, qui croyait le moment venu de ménager un premier tête-à-tête à Julia et à Savary. Il les quitta et s'approcha de la table où l'on s'empressa de lui faire place, car il avait eu soin de tirer à propos de sa poche un portefeuille qui parut convenablement rembourré de billets de banque. Le fait est qu'il avait composé ce portefeuille avec un art infini. 2 ou 3 billets de banque, fruits de ses économies, entouraient ostensiblement des papiers sans importance, et formaient ainsi des petites liasses sur lesquelles on voyait effrontément écrit 5 000, 10 000, 15 000 francs. Ce spectacle produisit sur les joueurs et surtout sur les joueuses un grand effet, dont Vibert profita aussitôt pour ne hasarder que quelques louis. Il connaissait de longue date, de nom ou de vue, une partie du personnel féminin au milieu duquel il se trouvait, et il avait de bonnes raisons pour s'en méfier. S'il jouait, c'était dans le but de n'éveiller aucun soupçon et de remplir dans tous ses détails son rôle de riche étranger. Du reste, le baccarat lui était aussi familier qu'à son professeur Savary. 2 mois avant le crime de la rue de la Paix, il avait été appelé à faire une descente dans une maison de jeu clandestine et il avait eu à se renseigner, pour l'édification de la justice, sur le genre de partie auquel on se livrait. Ce fut donc avec une certaine répugnance et une grande timidité qu'il avança un louis en se disant « C'est autant de perdu, je mettrai cela sur ma note de frais. » Mais au lieu de perdre ce louis, il arriva qu'il en gagna un autre, puis 2, puis 10, puis 20. L'or et les billets semblent mettre une sorte de coquetterie à s'entasser devant lui. En même temps, des idées bizarres lui passaient par la tête et le faisaient sourire. « Je voudrais, se disait-il, que le marquis de X me vît en ce moment. Il rirait de tout son cœur. Un agent de police jouit au baccarat avec les gens qu'il est chargé de surveiller et leur gagner leur argent, c'est de la haute fantaisie. La plaisanterie serait complète, » continua-t-il. « Si le commissaire de police du quartier faisait une descente dans la maison, il me prenait les mains dans le sac. » Tout à coup, au moment où il venait de gagner encore une somme importante, car la veine le poursuivait maintenant, comme elle poursuit toujours ceux qui se mettent à une table de jeu, sans le désir et l'intention de gagner, il sentit quelqu'un s'appuyer sur le dossier de sa chaise. Il se retourna, c'était Savary. « Vous profitez de mes leçons ?» lui dit ce dernier. « Oh, bien peu. »« Comment bien peu ? Vous avez au moins 5 à 6 000 francs devant vous. » « C'est insignifiant. » répliqua Vibert avec le ton dégagé d'un millionnaire. « Alors, puisque vous tenez si peu à votre gain, vous n'en voudrez pas à la personne qui m'envoie vers vous ?»« Ah, on vous envoie, que me veut-on »« On voudrait partir, et on m'a prié de vous le dire. » Vibert s'empressa de se lever. Il eut un cri d'effroi général. « Quoi, vous partez ? La soirée commence à peine. Il n'est que 3 heures du matin. »« Ah, c'est mal, » fit l'Espagnol, « lorsque vous nous gagnez tant d'argent. » « Monsieur a peur de perdre, » fit Antonine. « J'avais plus de confiance en vous, mon cher comte, » s'écria Pélagie. Vibert comprit que son départ serait mal interprété et qu'il commettrait une imprudence en mécontentant trop vivement les gens avec lesquels il se trouvait. « Mesdames, » dit-il, « je suis obligé de reconduire chez elle la personne avec laquelle je suis venu parmi vous et que l'ardeur du jeu vous fait oublier. Mais je serai de retour dans un instant et je laisse mon argent sur la table pour marquer ma place. » Cette dernière phrase leva tous les obstacles. Vibert rejoignit Julia et sortit avec elle. « Eh bien ?» lui demanda-t-il en descendant l'escalier. « Je l'ai rencontrée comme vous l'aviez prévu, » répondit-elle. « Mais le reverrai-je ? Sans doute. Si vous ne deviez pas vous revoir, cette première entrevue serait inutile. Où le retrouverai-je ? Je désire ne pas revenir dans cette maison, au milieu de cette société qui n'est pas la mienne. Vous n'y reviendrez pas. Alors qu'avez-vous imaginé ? Rien encore. Mais j'imaginerai. « Fiez-vous à moi. » Puis-je vous demander, continua Vibert, si vos convictions à l'égard de Savary ont été ébranlées par la conversation que vous avez dû avoir avec lui ? Elles n'ont pas été ébranlées, mais rien n'est venu les fortifier. en parlant ainsi, ils avaient descendu l'escalier et gagné la rue. « Je suis obligé de remonter chez cette madame d'Hermont, » dit Bibert. « Rien n'est plus facile. Faites avancer une voiture et donnez mon adresse au cocher. » « Vous ne craignez pas de rentrer seule à cette heure avancée, madame ? J'ai le temps de vous reconduire. »« Non, merci. Si je veux remplir jusqu'au bout la tâche que je me suis imposée, je dois me familiariser avec toutes les difficultés de ma position. » Un fiacre rentra vide, on lui fit signe de s'arrêter, et Julia y prit place. « J'aurai l'honneur, madame, » dit Weber en fermant la portière, « de vous voir demain pour que nous décidions ce qu'il conviendra de faire. »« Je serai toute la journée chez moi, » répondit-elle. Weber suivit un instant des yeux la voiture qui emportait Julia Vidal. Quelqu'un qui l'eût observé en ce moment aurait trouvé dans son regard quelque chose d'étrange. Mais bientôt il porta la main à son front, comme s'il voulait en chasser certaines pensées qui l'obsédaient. Sa petite taille se redressa, ses yeux prirent une autre expression, et il se dirigea vivement vers la maison qu'il venait de quitter. « Le premier pas est fait, » se dit-il en gravissant l'escalier, « mais le second ? Si cette nuit même, je n'avais pas trouvé moyen de lier une intrigue avec ce Savary, il nous échappera. Comment faire naître, sans lui donner l'éveil, une occasion de nous revoir souvent ?»« Ah » continua-t-il, « faudra-t-il donc toujours que les meilleurs esprits, ceux qu'aucun danger, aucun obstacle important n'arrête, aient à compter avec les plus petites difficultés et soient vaincus par elles ?» Tout à coup, il s'arrêta en s'écriant. « Eh, parbleu, j'ai trouvé, Eureka !» dirait mon protecteur, le marquis de X. « Pourquoi la fortune qui vient de me seconder m'abandonnerait-elle » Il sonna à la porte depuis la Gidermont et fut introduit. Il était environ 3 heures du matin. Pendant l'absence de Weber, le baccarat avait pris une nouvelle animation. Savary tenait les cartes et la fortune le favorisait. Il avait près de 3 000 francs en banque. Weber vint s'asseoir sans bruit et attendit. Au bout d'un instant, ce fut à lui qu'on remit les cartes du tableau de droite. Suivant le terme consacré, il avait la main. « Faites vos jeux, messieurs, » dit Savary. « Quel est votre enjeu ?» demanda quelqu'un à Weber. « Je fais banco, » répliqua celui-ci. « Vous voulez dire reste de banque après tout le monde ?»« Non, banco du tout, et moi seul, n'en ai-je pas le droit ?»« Parfaitement, » répondit les joueurs en retirant les enjeux qu'ils avaient déjà avancés. « Quel côté prenez-vous ? » demanda le banquier à son adversaire. « Votre tableau, l'autre, ou bien préférez-vous jouer à cheval ?»« À cheval, soit. Je ne sais pas ce que cela veut dire, » fit-il en prenant son air innocent, « raison de plus pour gagner. » Savary, malgré sa grande habitude du jeu, fut intimidé. Rien n'épouvante un joueur comme de se trouver en face d'un adversaire qui, d'une part, semble sûr de son fait, qui, de l'autre, joue pour la première fois. Aucun de ces détails n'était inconnu de Weber. Il savait en tirer habilement parti. Savary distribua les cartes, regarda son jeu et dit « J'abats, j'ai 8. »« Alors je dois avoir 9, » répliqua l'agent de police avec un sang-froid imperturbable. En effet, il avait 9 des deux côtés. Savary, désolé d'avoir perdu en un seul coup tout l'argent péniblement gagné, espérant recouvrer la veine et désireux de prendre sa revanche sur Weber, dont l'assurance l'exaspérait, voulut tailler une nouvelle banque avec le billet de 1 000 francs qui lui restait. Les premières tailles furent heureuses. En moins de 10 minutes, il quadrupla son capital aux dépens de tous les joueurs réunis. Weber seul ne tint aucun coup. Il s'était levé et, adossé à la cheminée, il fumait une cigarette d'un air indifférent. Mais après 2 abattages du banquier, il s'avança vers la table de jeu et dit, comme il l'avait fait précédemment, « Banco ! » !»« Encore ?» s'écria Savary effrayé. « Vous avez le droit de quitter la banque, » lui fit-on observer. « Eh bien non, » s'écria-t-il, « je ne la quitterai pas. » « À votre aise, » dit Weber, en jetant sur la table son portefeuille, où de véritables billets de banque étaient venus remplacer depuis un instant les fausses liasses qu'il avait imaginées. Un coup presque analogue au premier se représenta. La banque sauta une seconde fois, et l'argent amassé par Savary passa dans les mains de Weber. Cette fois, il y eut des applaudissements. L'Italien était décidément en hausse auprès des femmes. Savary, à bout de ressources, quitta la banque et Weber la prit à son tour. Mais au lieu de mettre 1 000 000 francs comme en jeu, il étala devant lui 15 000 francs. Grâce à cette mise de fonds, il allait étayer sa veine d'une force considérable, la force du capital. En effet, ce qui donne une grande puissance aux établissements de jeux d'Allemagne, ce ne sont pas seulement les zéros de la roulette et les refaits du 30 et 40, c'est la somme considérable mise à la disposition de la banque. toutes les petites bourses viennent se déverser dans cette grosse bourse par suite du proverbe « l'eau va toujours à la rivière ». Il existe à Paris un homme bien connu dont la fortune monte, dit-on, à 8 ou 10 millions. Il la doit principalement au jeu qui, pour lui, a été une sorte de profession d'entreprise commerciale. Dans l'exercice de cette industrie, il a porté une probité relative et n'a jamais eu recours, durant sa longue carrière, ni aux cartes biseautées, ni aux mains préparées, ni à toutes les infâmes petites roueries qui sont en usage parmi les joueurs déloyaux. Il s'est contenté, au lieu de jouer contre la banque, de se faire banquier et d'avoir toujours devant lui des sommes importantes avec lesquelles il pouvait tenir tête à la mauvaise fortune et attendre la veine. Son salon, où s'est réunie pendant assez longtemps une société d'élite, était devenu une succursale des Jeux d'Allemagne. Au lieu de partir pour Hombourg, on se faisait conduire après son dîner chez X, qui vous recevait à ravir, vous offrait des cigares, des rafraîchissements, vous charmait par son esprit des plus vifs, et par-dessus le marché, vous gagnez votre argent. Vibert, en sa qualité d'ancien secrétaire d'un commissariat de police, connaissait toutes les étrangetés parisiennes. Il avait sans doute entendu parler de X, de sa façon d'opérer, et il essayait de l'imiter. Ses 15 000 francs firent merveille. Au bout de quelques instants, tout l'argent qui était répandu sur la table vint grossir sa banque. Le gros capital absorbait les petits capitaux. Alors il arriva ce qui arrive toujours dans des parties de ce genre, qui ne sont pas régulières et où aucun statut ne rappelle l'ordre, après avoir joué de l'argent comptant, en joua sur parole. C'est là que Vibert attendait Savary. Celui-ci, intimidé par les premiers succès de son adversaire et connaissant, par suite d'une longue expérience, les dangers de la nouvelle partie qui s'était engagée, ne se risqua d'abord qu'avec une grande réserve. Peut-être même aurait-il renoncé à lutter plus longtemps contre la mauvaise fortune s'il eût commencé par perdre. Mais le hasard voulut qu'il gagnât les premiers 500 francs faits sur parole. Il crut que la veine lui était revenue et qu'il allait reprendre à Vibert tout ce que celui-ci lui avait enlevé. Il joua sans prudence, avec une sorte d'emportement et de fièvre, et il recommença à perdre. Toute l'habileté que 10 ans de pratique lui avait donnée ne lui servit à rien. C'est qu'il ne s'agissait pas seulement pour lui, comme dans les parties précédentes, de perdre de l'argent ou d'en gagner. Il ne luttait plus contre un être impersonnel, un banquier ou contre une chose matérielle, un jeu de cartes. Il luttait contre un homme, contre Vibert, dont le bonheur constant l'exaspérait, dont le sang-froid l'irritait, dont les manières câlines, le ton patelin, la politesse exagérée, surexcitait son système nerveux au-delà de toute expression. Il sentait que cet adversaire lui était hostile. Il ne savait pas pourquoi, il était à 100 lieues de se douter des projets de Vibert. Il le prenait de bonne foi pour un étranger, mais quelque chose lui disait « Tu es en face d'un ennemi, méfie-toi ». Et puis il allait, puis il s'opinâtrait à vaincre cet invincible ennemi. Une sorte d'ivresse, la plus dangereuse de toutes, celle que procure le jeu, s'était emparée de son esprit. Les cartes étalées sur la table n'étaient plus des cartes pour lui, c'étaient des épées, dont il essayait de diriger la pointe contre la poitrine de Vibert. Mais celui-ci, prompt à la riposte, parait le cou de son adversaire et lui portait à chaque reprise une botte nouvelle. Du reste, la lutte était devenue générale, la mêlée terrible. Depuis que l'argent de tous les joueurs avait passé dans la banque de Vibert, des papiers de toutes les formes, de toutes les dimensions, des pavillons de toutes sortes, encombraient la table de jeu. Celui-ci écrivait sur un chiffon de papier « bon pour 10 louis », bon pour 1 000 francs. Celui-là avançait une bague et disait « Elle vaut 25 louis ». Cet autre, qui avait déjà mis en gage ses clés, sa montre, ses boutons de manchette, fouillait une dernière fois dans sa poche, n'y trouvait qu'un cure-dent et le remettant au banquier, s'écriait « Ce cure-dent représente 2 000 francs ». C'était chose curieuse que de voir tous ces gens attachant une valeur exagérée à ces différents objets sans valeur, se les disputant avec opiniâtreté, comme s'il se fût agi d'une fortune. Et cependant, la puissance de l'or est telle que si, par aventure, il arrivait un véritable louis de s'égarer sur la table, chaque joueur faisait aussitôt 1 000 efforts pour le posséder. Tel qui n'avait pas confiance dans un coup, se décidait à le tenir, parce que dans la masse de son adversaire, il avait vu subitement étinceler ce louis solitaire. À 8 heures du matin, Vibert tenait toujours la banque. Il avait eu seulement depuis longtemps l'extrême prudence d'étouffer. Dans son portefeuille et dans ses poches, tous les billets signés Savary et tout l'argent monnayé. Il ne jouait plus qu'avec l'argent qui lui était dû, et au cure-dent qu'on avançait contre lui. Il se contentait d'opposer d'autres cure-dents ou des objets d'une valeur purement morale. Il ne semblait attacher une réelle importance qu'au pavillon, qui lui venait de Savary. Ceux-là, Vibert les respectait à l'égal des billets de banque. Il les mettait en tas dans un petit coin et ne s'en servait jamais pour payer les coûts qu'il perdait. Il arriva même qu'ayant à remettre 500 francs à l'Espagnol, il préféra lui donner 25 louis tirés de sa poche qu'un bon signé Savary qu'il avait sous la main. Enfin, lorsque le tas Savary eut atteint des proportions respectables, Vibert déclara qu'il était brisé et que son lit le réclamait impérieusement. Cette déclaration n'avait rien d'insolite. On avait commencé par se promettre de quitter le jeu à 8 heures, puis à 9, puis à 10, il était 11 heures, et ceux qui gagnaient le plus pouvaient se retirer sans être accusés de faire Charlemagne. On obtint cependant de Vibert qu'il conserverait encore les cartes pendant une taille. Il y consentit, éteint ses dernières banques avec un laisser-aller, des manières de grand seigneur qui lui valurent toutes les sympathies. Il paraissait même désirer faire des fautes pour que chacun puisse s'acquitter. Aussi, à la fin de la taille, ces dames avaient-elles regagné leurs bagues, tous ces messieurs leurs bons, leurs bijoux et leurs cure-dents. Savary seul, tout compte fait, restait de voir sur parole 14 000 francs à Vibert. La partie était finie. On se leva. On se détira les bras et les jambes. 1000 fatigues diverses, que la fièvre du jeu faisait oublier, accablèrent chacun dès qu'on ne joua plus. En même temps, grâce au rideau trop brusquement ouvert, le soleil pénétra à flanc dans le salon et vint humilier de ses brillantes clartés les bougies expirantes. On se regarda et on se trouva horriblement laid. Les femmes présentaient surtout un assez désillusionnant spectacle. Le blanc de perles, le rouge dont elles s'étaient parées la veille, le noir qui leur avait servi à grandir leurs yeux, toutes choses à peu près inaperçues à la lumière, mais qui ne pouvaient supporter l'éclat du grand jour, leur donnaient un aspect étrange. On envoya chercher les voitures et chacun regagna son domicile. Avant de prendre congé de Vibert, Savary lui avait dit « Où dois-je, monsieur, vous faire remettre le montant de ma dette ?»« Si vous le voulez bien, rue Richelieu, à l'hôtel des Princes, où j'habite provisoirement. » avait répondu sans hésiter l'agent de police qui s'attendait à cette question. Il s'était salué courtoisement et chacun d'eux était parti de son côté.